Une super éruption volcanique pour un hiver permanent. Des cubes de cendres et de roches via des super volcans. Météorite géante après les dinosaures viendra notre temps. Le jour où la NASA ne sera plus assez compétente. Pourquoi faire un enfant dans un monde de démence? Pourquoi ne pas faire un enfant et lui donner sa chance? Trop d'humains demeurent, baisse le taux de fécondité. Le pic de naissance ne dépassera plus le taux de mortalité. Une guerre nucléaire suffit juste d'un homme qui décide. L'homme a créé sa propre destruction afin qu'il survive. Est-ce que les chimistes sont-ils des adeptes du génocide? L'explosion du monde, le seul moyen de régler tous les conflits. Déclin de la biodiversité, plus rien à manger. Il est déjà trop tard, on ne pourra plus rien y changer. Prendre plus que la Terre ne donne ne pourra rien apporter. Et aucune autre planète ne saura nous supporter. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Incontrôlable, un virus destructeur. Une maladie incurable, une transmission à grande ampleur. Quelque chose d'invraisemblable, un vrai film d'horreur. Aucun vaccin et médicaments ne seront plus à la hauteur. Le réchauffement climatique rendra la Terre invivable. Des chaleurs caniculaires pour une planète incultivable. De moins en moins d'alimentation est au buvable. Une fin heureuse en sera forcément inconcevable. Certains seront mettront à Dieu, d'autres à Lucifer. Même l'éternité est éphémère. Dans l'univers, la fin du monde est proche. On est en plein dedans. L'univers se créera et se détruira. On n'a rien de temps. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde. Fin du monde, c'est la fin du monde.